Alors j'ai tourné à gauche, j'ai passé une grande grille. Et là, je suis retombé, non pas dans un pays de connaissance, mais un peu chez moi. Toujours la même chose, ce chez moi que je voulais pas retrouver. Un chez moi qui d'ailleurs était vide, absent. Alors je suis rentré dans ce qu'on appelle un marché. À droite, à gauche, dans les allées, les types commençaient à sortir leurs choux, leurs poireaux, leurs artichauts. D'autres, des poissonniers qui commençaient à ouvrir leurs caisses. De loin, on sentait que le poisson n'était pas là. Après, on s'approchait, on se disait « oui, on approche ». Ça puait, c'était pourtant du poisson frais. On commençait à appeler les gens qui passaient. J'ai tourné dans le marché une fois, deux fois. J'ai fait toutes les petites allées, la grande allée du milieu, les tentes qui empêchaient les types d'en dessous de se faire mouiller. Un grand mur que j'ai longé, c'était le mur de l'école. Je me suis souvent demandé si moi j'étais allé à cette école-là, qui était l'école du boulevard Jean Jaurès, si je n'aurais pas essayé de repérer la voie de la vieille. Encore un coup, j'essayais de chasser ça. Non pas que la vieille ou le vieux ou tout un tas de trucs me tournaient assez souvent sur la tronche, mais de temps en temps, il y avait des cloques, comme de ces bulles d'air qu'on faisait quand on était môme dans l'eau en mettant la tête dessous dans une cuvette et on faisait blou blou blou blou blou blou. Puis on disait à l'autre d'écouter si ça faisait le même bruit. On essayait de parler, mais on n'entendait rien. Il y avait un vague ronronnement, glougloussement qui était là. Ce glouglou, je l'entendais à nouveau. Je me suis retrouvé à la petite place du marché. La petite place qui était celle où la vieille venait. Moi, j'avais un grand faible pour deux jours de la semaine. Je l'ai déjà dit, j'aimais pas aller à l'école. Et puis les deux grands jours de la semaine pour moi, c'était le jeudi et le dimanche. Le jeudi, j'allais aider la vieille à vendre. Et le dimanche, c'était pareil. Elle me recommandait de pas venir avant 7h30, 8h, quand le froid commençait à partir. L'été, elle m'interdisait de venir là. Je me plantais, elle me filait des sabots, en plein milieu des choux. Elle me donnait une toute petite caisse devant moi, sur une vieille caisse d'emballage. Puis je devais encaisser. Si j'avais du mal à rendre la monnaie, je devais l'appeler. On se mettait tous les deux, la mère et le fils. Quand je la voyais fatiguée, c'est moi qui prenais le relais. Je me mettais à gueuler. « Ils sont beaux, mes artichauts, ils sont beaux, prenez-les, messieurs, dames. » Ou alors c'était autre chose. « Ma belle botte de poireaux, regardez comme elle est belle, ma botte, regardez comme elle est belle. » Alors tout le monde rigolait. Je comprenais mal ce que je disais, mais je le disais avec beaucoup de conviction. De temps en temps, je voyais la vieille qui se retournait, qui écrasait en dessous son symbole un beau molar, un beau glavio. Puis je voyais qu'elle pâlissait, qu'elle commençait à geler toute droite. Elle mettait des gants qui étaient coupés au bout. Elle avait toujours ses fameuses gerçures. Oh, puis merde, j'en avais marre. Je faisais demi-tour. J'étais pas venu ici pour revendre quelque chose au marché. Moi, j'avais reconnu les patrons de la vieille, des Bretons. Mais ils me reconnaissaient pas. Je savais que non seulement il s'était passé 20 ans entre mes 10 ans et mes 30 berges actuelles, mais que j'avais, comme disait la vieille, énormément changé.